Gaïa, y'a Gaïa. Le renard le plus fort, le plus flex du monde. Easy Yuzu. CDS, W. On nous a mis dans la matrice, mais on n'a pas choisi la pilule. Là c'est Mamadou et Bilal qui se retrouvent tout seuls en cellule. Et y'a même des Jérémy qui se retrouvent sur le bitume. Y'a une grande différence entre misère et puis vide rue. J'ai peur de leur regard, j'ai peur de leur réaction. J'ai peur de descendre de la bagnole quand ils veulent la palpation. Je m'en rappelle à mes 20 ans, je criais wouh wouh. Aujourd'hui si tu fais le con, ça fait blouf blouf. Soit au bec sur la moto, je connais ça depuis toujours. En bas des tours, les allers-retours, ça casse les couilles, je tarde les fouilles. C'est pas la vérité, les histoires dans les séries de rap. Viens traîner dans mon quartier, là-bas tout est vérifiable. Y'a la misère sociale, y'a les darons en galère. Y'a les darons qui se lèvent à 6 du matin, le bus en colère. Et y'a pas beaucoup de couleurs, par terre y'a que des molars. Une rage de danse, ça fume du shit, histoire calmer la douleur. Je vais pas mourir comme mes grands frères. Et je vais plus vivre comme un gangster. Y'a trop de gens qu'on enterre. Je vivre comme un gangster, nana. Mourir comme mes grands frères. Nana. Dans l'ascenseur ça pue la pisse. En bas de la rue ça pue la poisse. A tous mes frérots reste une pisse. De Valenton à rue la boîte. Dans l'ascenseur ça pue la pisse. En bas de la rue ça pue la poisse. A tous mes frérots reste une pisse. De Valenton à rue la boîte. Moi j'ai pas tout vu, mais j'oublie pas les anciens qui ont traversé les époques mais qui ont fini en chien. Alors mon pote réfléchit, il faut surtout pas flancher. Aujourd'hui j'ai des renards qui font péter les enceintes. Ils font péter les enceintes et c'est des fils de prolo. Ils me donnent la force de Broly, grâce à eux j'ai eu le gros lot. Mais ta capuche et tu bicraves même si y'a la grêle. Quand on dit ça à 15 ans, j't'assure que c'est pas drôle. Villeneuve, la Garenne, Valenton et tout le reste. Rentrez dans le hall et battez-vous, ça c'est pour le test. Y'a que des troubles faits, tous en bas des tours de test. Y'a les grosses, les courtes peines, tout ce qu'on dit c'est pour de vrai. Quand j'étais à Cour de Zeb, fallait ravitailler les meufs. J'ai pas fait ça pour te plaire, viens voir à la tour des feux. Ça vole comme Alibaba, et toi vas-y va là-bas. Et allez prenez vos ribous et rendez-nous à Dama. Je vais pas mourir comme mes grands frères. Je vais plus vivre comme un gangster. Y'a trop de gens qu'on enterre. Je vais vivre comme un gangster, nana. Mourir comme mes grands frères. Dans l'ascenseur ça pue la pisse. En bas de la rue ça pue la poisse. A tous mes frérots reste une pisse. De Valenton à rue la boîte. Dans l'ascenseur ça pue la pisse. En bas de la rue ça pue la poisse. A tous mes frérots reste une pisse. De Valenton à rue la boîte. Ouais, Villeneuve la Garenne, 92, 96. Valenton, c'est mon sou. 9446. Tous mes frérots de baisse bas.